on n'est pas là, les gazelles pull up. Dans ce game, c'est moi qui porte ta culotte. La place des rappeurs, c'est dans la cuisine. Ouais, bêtement, manger les salopes. Mais papa était nous, j'y tiens pas pour tes Gucci. Champion, on a trop fait foucha. En volant, elles veulent me faire le mouchki. Y'a policier devant, c'est chez là. Hey, Nico, mon gauche, tes talents béné là. Ça veut dire de talent, je déborde. S'ils rigolent quand l'ennemi te touche, c'est que c'est jamais tes potes. Les petites sont fraîches, les petites sont trop nées. Mouchi, Merco de Baudelaire. Notre malheur, c'est ton bonheur. Respecte le 13, vos bognons. Petit, faut te calmer, paye, on est tes vieux mogos. Change ta manière de saluer, tu es devant tes vieux mogos. C'est j'ai pas dans l'attachement, mais il n'a pas force que Gorille. Donc je vous autorise à continuer dans vos conneries. Maman, faut regarder, ton fils est devenu patron bas. Papa, toi-même faut voir ton fils est devenu patron bas. Patron c'est patron, patron, patron c'est patron. Beaucoup de jeunes, patron c'est patron. Gros voyage, patron c'est patron. Tout l'argent, bonjour c'est patron. Les business. Le jet pour le daron, le jet pour la mif, le respect pour mon bébé. La fierté des parents, t'inquiète pour les ennemis, on va les faire taire. On va fermer leur gueule. T'as dit quoi, tu peux répéter? Mon succès c'est la performance, c'est pas le marabout, t'entends le pervers. Patron, patron, mon jeu c'est patron, patron. On part de là, on n'a pas le temps, tu es trop dans dissertation. Que du bif, même dans nos sillons on veut le bif. C'est quand tu retires l'an, que tu kiffes, je suis jeune et riche, ma maman m'a fait garçon. Faut que nier, je suis leur papa mais ils font que nier. Que des travailleurs manquent des billets. Tu vois la conspiration font des billets. Je vois dans ton jeu, tu cherches à être mon débordeau. Mais à trop de talent dans le rap ivoire, t'es trop faible pour être mon numéro 2. Maman, faut regarder, ton fils est devenu patron bas. Patron c'est patron, patron, patron c'est patron. Ah papa, quand même faut voir, ton fils est devenu patron bas. Patron c'est patron, patron, patron c'est patron. Beaucoup de jeunes. Devenu une restart. Façon et secours, c'est courant dans musique. Y'a si fort que toi. Et je suis tellement fier de ce que devient le rap ivoire. D'autres sont talentueux, d'autres à voix comme Momo. Mais bon, l'intention est là.